طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. Donc comme prévu, inshallah, سنأخذ في ساعتنا هذه ما قد وعدناكم من فتح هذا الدرس للنساء. Donc comme on l'a promis, inshallah, on va prendre cette heure-là pour un cours spécifique spécifique pour les femmes. Mais comme on a dit la semaine dernière, c'est pas yani véritablement yani khas lahun, yani spécifiquement pour elles, car même les hommes en profiteront, inshallah. Taïb. بسم الله الرحمن الرحيم. إضافة لما تقدم في درس سابق من فضائل طلب العلم للرجال والنساء donc toujours suivant les bienfaits qu'on a évoqués la semaine dernière concernant le fait de rechercher la science pour les hommes comme pour les femmes. هناك تنبيه هام وقاعدة جامعة متينة. Là, il y a un petit point كذلك à voir avant de rentrer dans l'approfondissement de ce livre. وهو, et ce point-là, c'est en fait une règle, يعني, une grande règle parmi les règles, parmi les règles et les bases dans طلب العلم. وهو أن العلم لا يفيد إلا إذا عمل به. Et cette règle sur laquelle inshallah on va marcher et sur laquelle yani ou à laquelle on va s'appliquer de mettre en œuvre, c'est-à-dire que la science n'est utile. Ça, c'est une règle. La science n'est utile que si on œuvre avec. نعم. وروى الإمام ابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده بسند صحيح صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. Et donc l'imam Ibn Majah ainsi que l'imam Ahmed ont rapporté dans leur livre de hadith, selon une chaîne de transmission authentique qu'a authentifié l'imam Sheikh Al-Albani, An Anas Ibn Malik, d'après un hadith de Anas Ibn Malik, qui dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit Inna lillahi ahlina min al-nas. Qalu ya Rasulallah manhum. قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. Donc dans un hadith d'après Anas ibn Malik, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit certes Allah a des adeptes parmi les gens. Et les compagnons ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم qui sont-ils ces adeptes, qui sont-ils ces personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre et de dire Hum ahlul Qur'an. Ceux-là sont les gens du Qur'an. Ahlullah, qui font partie des gens d'Allah Azza wa Jal, yani les adeptes d'Allah Azza wa Jal, wa khasatuh. Yani. نعم وخاصته وعليكم السلام ورحمة الله. طيب donc là on voit dans ce hadith l'éloge que le prophète صلى الله عليه وسلم fait aux gens du Coran, l'éloge que Allah subhanahu wa ta'ala fait aux gens du Coran. Naam. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي القرآن يوم القيامة وأهله. Donc là, ce hadith il va expliquer qui sont véritablement les gens du Coran. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il dit dans un hadith de نواس بن سمعان que le Coran se présentera le jour de la résurrection. Wa ahluhu, ainsi que les gens du Coran. Taïb. Donc là, après ça, il va expliquer man hum ahlul Coran. Faqala ba'd dhalik alladhina kanu ya'maluna bih fi ad-dunya. Et après, il explique en expliquant qui sont les gens du Coran, il dit ce sont ceux qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. ولهذا قال بعض العلماء أنك من أهل القرآن حتى وإن لم تحفظه كاملا ما دمت عاملا به. Et c'est pourquoi certains savants ont dit en prenant ce hadith que on peut faire partie des gens d'Allah Azza wa Jal et des gens du Coran, يعني même si on ne possède pas ou même si on ne mémorise pas le Coran entièrement. Et juste, il nous suffit de l'appliquer pour faire partie des gens d'Allah Azza wa Jal et des gens du Coran. Naam. فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدْ التِّلَاوَةِ لِيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ حَتَّى يَعْمَلَ بِأَحْكَامِ. Donc, il ne suffit pas juste de lire le Coran pour qu'on soit, on fasse partie des gens du Coran. Mais, bien au contraire, il faut mettre en application ce qu'on lit et ceux qu'on médite du Coran. Naam. Naam. Naam. Wa hakadha sha'nu al-'ilm kulluh la yanfa' sahibuhu illa idha 'amila bih. Et donc ça c'est yani valable pour toute la science. La science elle ne sera utile, la science shar'iyya, la science shar'i, c'est-à-dire la science de la yani de la législation islamique, elle ne t'est utile que si tu œuvres avec. Naam. ولهذا كان بعض السلف يقولون ليس العلم ما حفظ. Et ça c'est une parole jamil de l'imam Shafi'i qui disait que la science n'est pas ce qui est mémorisé. La science n'est pas ce qui est mémorisé, mais la science, comme il dit juste après, وَإِنَّمَا الْعِلْمُ مَا نَفَعْ لَيْسَ الْعِلْمُ مَا حُفِظْ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ مَا نَفَعْ. Ce n'est pas la science celle qui est mémorisée, mais la science est celle qui est mise en pratique ou celle qui est utile. نعم. فالسلف كانوا يتعلمون للعمل. Et donc les salafs, que ce soit les femmes comme les hommes, elles apprenaient la science, elles venaient dans les mosquées d'Allah Azza wa Jal s'éduquer, pas pour les mujarrad al-ilm, pas pour seulement prendre une connaissance, mais bien au contraire, ils s'éduquaient dans la religion pour mettre en pratique. Pour mettre en pratique. Taïb. Et ومن ذلك الشخص لا يستثقل يعني la personne elle doit pas voir lourdes les ordres d'Allah Azza wa Jal ainsi que ses interdits, parce que Allah subhanahu wa ta'ala هو الخالق المدبر المحيي المميت وكذلك هو الحاكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est celui qui a créé les sept cieux et c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir, et aussi parmi ses attributs il est le sage. والحكمة هي وضع الشيء في مكانه. Et la sagesse c'est de placer une chose à son endroit. فالله سبحانه وتعالى وضع الأشياء في مكانها. Allah سبحانه وتعالى il a déposé toute chose à sa place. C'est pourquoi les ordres d'Allah en vérité ils ne sont pas lourds sur la personne si il les applique. Et si toutefois ça devrait être lourd sur une personne, فليستعين بالله. que cette personne-là demande l'aide d'Allah Azza wa Jal pour accomplir les ordres d'Allah Azza wa Jal. Naam. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون يقول في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit sois vigilant sur ce qui t'est utile et demande l'aide d'Allah عز وجل et ne te ridiculise pas, c'est-à-dire ne te montre pas faible, ne dis pas je peux pas faire ça, oh je peux pas faire ça. قل قويا ما دمت تستعين بالله عز وجل. Tu dois faire preuve de force du moment que tu demandes l'aide d'Allah عز وجل. ومن يستعين بالله فلا يخسر. Celui qui demande l'aide d'Allah, il sera jamais perdant. لأنه هو الخالق. هو الخالق. نعم. هو رب العالمين. نعم. طيب. فدونك يعني le but يعني cette قاعدة elle est مهمة جدا et elle nous fait comprendre que tout ce qu'on va voir comme hadith ou comme ayat ou comme fawaid يعني الغرض منها c'est pas qu'on les apprenne par cœur sans jamais les pratiquer بل نحن ننصح أنفسنا وغيرنا بالعمل بالعلم وإن حصل قصور et si on peut pas c'est-à-dire on n'arrive pas à œuvrer avec tout ce qu'on va entendre comme ahadith et tout ce qu'on va voir comme ayat. Yani, na'rif annana ala khatar. Il faut au moins qu'on sache au minimum qu'on est dans un danger. Le fait d'avoir reçu une science et de ne pas l'avoir mis en pratique. Na'am. Na'am. Wa kadhalika mimma yajibu ala al-mar ma'rifatuh. يعني قاعدة أخرى وهي et parmi les choses qu'il est bon de connaître aussi c'est une règle qu'a évoqué l'imam Sa'di dans son livre قواعد الجامعة qui dit الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة qui dit que celui qui légifère c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla Il n'ordonne pas une chose sans qu'elle soit pour un bien qui est pur ou pour un bien qui prévaut sur le mal. Naam. Al-an, at-tawhid, mathalan. C'est un bien qui est pur, yani dépourvu de tout mal, où il y a du bien, il y a du mal. Hein? Un bien pur. Eh voilà, il y a chaque fille d'arc. At-tawhid, yani, khairun mahd. Mais les savana que ayy mafsada. Dans le tawhid, il n'y a pas une seule. Il n'y a pas un seul mal là-dedans. Naam. Taïb. Walakin. Il y a ce couron, le fait. De combattre dans le chantier d'Allah. هذا هل في ضرر هل في نعم في موت في قص في كسر للعظام في غير ذلك. فهذا الخير فيه أرجح لكن في شيء من الشر. مفهوم. Donc le خير dans cette affaire là, le combat في سبيل الله, il y a un mal mais il est moindre que le خير qui s'y trouve. C'est-à-dire le khair qui s'y trouve, le fait que la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, yani, elle se propage, et que les, protéger les pauvres parmi les hommes ou parmi les femmes, na'am. Hada khairun. Taïb. Al-an, intayna min hada. Wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisa aw rajiha. Donc le shar, le législateur, il n'interdit pas une chose, si ce n'est que il s'y trouve soit du mal pur et simple, il y a aucun bien dedans, ou soit il se trouve du bien, mais ce bien est quoi? Est moindre que le mal. Qui c'est qui a un exemple? Al-khamr. Al-khamr, na'am. الخمر يعني مفسدته خالصة أم راجحة يعني sa perversion est-ce qu'elle est pure ou est-ce qu'elle comprend du mal mais elle comprend du bien mais le mal est plus a pris le dessus elle comprend du bien نعم نعم ولهذا الخمر ما حرم مباشرة لكن تدرجا نعم طيب و يعني un char qui est pur un mal qui est pur يعني il y a pas le moindre bien dedans مثل الشرك نعم الشرك كله شر ما هناك اي مفسده donc la قاعده elle dit quoi elle dit que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va ordonner c'est un bien pur ou c'est un bien qui a le dessus sur le mal qui s'y trouve تمام et tout ce qui va interdire c'est un mal soit il est pur ou soit le bien qui s'y trouve est moindre comparé à son mal مفهوم نعم ف هذه القاعده مبنيه على ادله et cette règle elle est construite sur des preuves كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا نعم donc Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets il précise que il ne veut pour l'être humain que la facilité ou pour le croyant il ne veut pour lui que la facilité et il veut l'alléger نعم donc toutes ces preuves c'est toutes ces adilla تدل على ان الله سبحانه وتعالى اذا امرك بشيء لا تتدرجع يعني il faut pas que tu te rebelles contre l'ordre d'Allah Azza wa Jal parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala au final il ne veut que ton bien que t'alléger d'un mal que tu le connaisses ou que tu le connaisses pas et que te purifier de soit des péchés ou autres نعم نعم طيب فهذا يعني نقول هذا لماذا لاننا نعرف أن الكثير منا عندنا قصور. Et pourquoi on dit ça? C'est juste pour préciser que, يعني beaucoup parmi nous, on a des faiblesses dans l'application de la science. Mais que, يعني malgré qu'on a ces faiblesses, on se doit de revenir à Allah Azza wa Jal et de lui demander de l'aide et d'appliquer ce qu'on connaît comme science. Que ce soit un ayah ou que ce soit un hadith, la budda min al-amal bidharika. Wa hadha la yadur. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ou, qabla dhalika, asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Et il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah, il connaît et vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas. نعم. ولمثل ذلك كانت النساء الصالحات ذروة في العمل بشرع الله عز وجل. نعم. Et c'est pourquoi يعني ce genre de règles qui étaient comprises au temps des salafs, c'est pourquoi tu voyais que les femmes pieuses de cette époque Elles avaient atteint l'apogée dans l'œuvre avec la science, dans le fait d'œuvrer avec leur science. Dans le fait d'œuvrer avec leur science. Naam. Et qu'elles n'allaient pas plus loin que le dalil. C'est-à-dire qu'elles ne se rebellaient pas contre le dalil. La preuve du kitab ou de la sunna. Naam. وَهَذِهِ هَاجَرْ أُمُّ إِسْمَعِيلْ عَلَيْهِ السَّلَامِ Et donc, ceci est Hajar, la femme de la mère de Ismaïl, wa zawjat Nabiyillah wa Khalilih Ibrahim ibn Azar alayhi salat wa salam. Et c'était l'épouse aussi de Ibrahim alayhi salat wa salam. Id dhahaba biha Ibrahim ila Makkah wa hiya yawma idhin ghayr idhi zar. Lorsque Ibrahim est parti avec elle et l'a emmené à la Mecque, alors que c'était une terre, une contrée aride, sèche, sec, ne contenant ni breuvage, ni vergiture. Naam. طيب وهي يومئذ غير ذي زرع لا طعام فيها ولا شرب. Il n'y avait ni nourriture sur son sol ni boisson. فخافت هاجر على نفسها الجوع والعطش وعلى ولدها الهلك فتعلقت بإبراهيم. Et donc هاجر, lorsqu'elle a vu que Ibrahim il allait la laisser dans cet endroit sans la moindre provision, sans la moindre boisson, elle s'est accrochée à Ibrahim. Naam. Elle s'est accrochée à Ibrahim en essayant de ne pas le laisser partir. Elle a tenté de ne pas le laisser partir. Naam. Turidu an la tatrukuhu yadhhab. Wa rahat tas'aluhu ila ayn tadhhab. Donc elle lui a demandé où tu pars, où tu me laisses. Faqala Ibrahim fasakat. Yani Ibrahim lui a pas répondu, il s'est tu. Wa ma yaltafit ilayha. Et il ne se tourne même pas vers elle. Il continue sa route. Ta'atan lillahi azza wa jal. Tout en obéissant à son Seigneur. Falamma sa'alat. Et lorsque elle lui a demandé, yani, est-ce que c'est ton Seigneur qui t'a ordonné cela, Ibrahim lui informa que na'am. C'est un ordre de mon Seigneur que de te laisser dans cet endroit. Et lorsque Ibrahim lui dit ça, ماذا قالت? قالت إذن لن يضيعنا الله لن يضيعنا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى إن نلسخ بايدا. Ça veut dire que هذه أول ما عرفت أن هذا من عند الله عرفت أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. Elle a su directement cette قاعدة qu'on a vu tout de suite, comme quoi, si Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné ça, c'est qu'il n'y aura que du khair pur ou que son khair sera prédominant sur son char. Na'am. فَهَاكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْإِنسَانِ إِذَا سَمِعَ قَوْلًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ الْعَزِيزِ أَوْ مِنْ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ. Donc c'est ce qui est recommandé et impératif à l'être humain, c'est-à-dire d'obéir à la parole, si toutefois il entend un hadith ou un verset, et de œuvrer avec. Naam. Naam. Fahadha katambih qabla ad-dars liannana sayamurru bina masail kathira wa ba'daha sa'b at-tadbiq. Yani, donc ça c'est comme une sorte de rappel avant de rentrer dans le dars, parce que on va voir énormément de hadith, et que tous ces hadith, en vérité, les hommes comme les femmes, ils se doivent de les mettre en pratique, peu importe l'apparence difficile qu'ils peuvent avoir. Yani ces hadith ou ces versets. Naam. Naam. طيب إذن انتهينا من هذا الذكر وسندخل في سمام الكتاب. Donc on va rentrer après cette brève introduction dans le kitab. طيب الكتاب يسأل نزهة الجلساء في ذكر الأحكام التي تخص بالنساء. Donc le livre en traduction approximative, on va dire que le titre c'est une promenade entre amis dans le rappel des règles relatives et spécifiques à la femme, les règles juridiques. Naam. Donc c'est une promenade entre amis dans l'évocation des jugements relatifs et spécifique à la femme. Naam. Ça, c'est la traduction du titre du livre. Naam. T- طيب ثم بعد ذلك قال المؤلف كتاب العقيدة. Et donc ça aussi, c'est parmi les points ou les points qu'on estafide, c'est-à-dire que l'auteur du livre, il commence tout d'abord par Al-Aqida. Il commence tout d'abord par évoquer Al-Aqida, c'est-à-dire la croyance. Naam. Et ça fait partie de la voie d'Ahl-Sunnah. Que leur prêche, le début de leur prêche, ou leur da'wah, il soit tourné vers Mada, vers le tawhid ou l'aqida. Naam. لأن العقيدة تشمل التوحيد. نعم. Les gens d'Ahl Sunna, ils ont une attention portée sur le fait de commencer tous leurs prêches sur Asl al-Din, c'est-à-dire Tawhidullah Azza wa Jal. Naam. Bikhilaf Ahl al-Bida'. Et ça contredit la voix des gens de l'innovation. Car eux, quand ils commencent leur prêche, ils commencent leur prêche sur ce sur quoi ils sont min al-bida'. C'est-à-dire, soit, si c'est des Ikhwan al-Muslimin, ils vont parler de la politique et de la gouvernance. Soit, si c'est des Khawarij, ils vont parler des Hukam al-Muslimin. Wa ila ghayri dhalik. Yani, satara anna ahl al-Sunnah hum al-ladina yad'ouna al-nas awwalan ila tasfiyat al-aqida. Naam. Et donc, c'est vraiment les gens de Ahl Sunnah qui commencent leur prêche par appeler les gens à la purification de la aqida ou le tawhid, ainsi que le tawhid. Naam. طيب عند قوله عقيدة. Et au sujet du mot al-aqida, celui qui veut écrire al-aqida ma'khoudh min al-aqd. Donc, le mot « aqida » est pris du mot « al-aqd ». Al-aqd. Al-aqd. Ma'khoudhun min al-aqd. Wa huwa al-rabt. Wa huwa al-rabt. Et donc, « al-aqd », ce n'est autre que le « al-rabt ». « Rabt », c'est l'attachement. L'attachement. نعم مأخوذ من العقد وهو الربط وهذا في اللغة. Donc ça c'est en ce qui concerne la loga. وأما في الاصطلاح, mais en ce qui concerne la définition يعني كيف نقول الاصطلاح شرعية. نعم. On va dire voilà, mais en ce qui concerne la définition légiférée, فَهُوَ حُكْمُ الذِّهْنِ الجازم. فَهُوَ حُكْمُ الذِّهْنِ الجازم. فَهُوَ حُكْمُ الذِّهْنِ الجازم. C'est-à-dire, c'est le jugement de l'esprit. C'est le ferme jugement de l'esprit. Mafoum ? C'est le ferme jugement de l'esprit. Yuqalu i'taqadtu kadha ay jazamtu bihi fi qalbi. Mafoum ? Quand lorsque tu dis j'ai cru cela, c'est-à-dire je me suis fermement attaché à cela, yani dans mon cœur. Mafoum ? Fa yani al-aqida c'est le hukm الذهن de l'esprit الجازم qui est ferme. تمام مفهوم. نعم. طيب وهذه يعني c'est Cheikh Al-Uthaymeen qui a évoqué ça dans شرح العقيدة الوسطية. وذكر بعد الكلمات سنقراها عليكم وقال فإن طابق الواقع فصحيح. Donc ce hukm al-dhihn al-jazim, ce jugement ferme de l'esprit, s'il convient avec la réalité, il est donc authentique. Mafhoum, s'il convient avec la réalité, il devient donc authentique. Il devient donc juste. Et s'il contredit la réalité, il est donc ايش باطل. نعم. طيب. فاعتقادنا ان الله سبحانه وتعالى واحد واحد الاحد. Le fait qu'on ait la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique, l'absolu. Cet i'tiqad, يعني يوافق الواقع. Est-ce qu'il est en accord avec la réalité? نعم. نعم. فهو اعتقاد صحيح. طيب. والنصارى اعتقادهم أن الله ثالث ثلاثة. هذا باطل. نعم. فهذا اعتقاد باطل. فالاعتقاد منها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. Donc les croyances, parmi elles, il y a des croyances qui sont authentiques, justes, et parmi elles, il y en a qui sont erronées. Faible, bâtila. Naam. Celles qui sont justes, c'est celles qui sont en concordance avec la réalité. Naam. Taïb. Honak soual. Yani, hal honak farq, عندك يا محمد. Hal honak farq بين العقيدة والمنهج. ما فرق؟ ما في؟ هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ الله أعلم. أظن المنهج من العقيدة. المنهج من العقيدة. طيب ها عندك؟ الله أعلم. يعني la question c'est est-ce qu'il y a une différence entre la عقيدة والمنهج؟ عندنا أخونا أبو هند يقول ما في فرق وأخونا يحيى يقول يعني ماذا المنهج يدخل في العقيدة ها يعني سواء طيب من يساعده سكي كيف لدي عندك يا عبد الملك انت خلاف ما كان يقول يحيى يقول المنهج يدخل في العقيده وانت تقول ايش هذا اكبر من العقيده ايوه تفضل يا يحيى يجري من العقيدة. يعني طيب المنهج مأخوذ من العقيدة. يدخل للعقيدة. أي نعم مأخوذ من العقيدة. طيب هل؟ كما قلنا يعني لازم الإيمان والعمل به. بعض العقيدة سي سكي ت. permet de vrai, ce qui permet de montrer ta bonne عقيدة يعني. طيب لكن هل في فرق؟ إذا. لا ما في فرق. ما في فرق؟ طيب ها انا قلت القاعده مع الاسلام والايمان اذا اجتمع افترق اذا افترق ما شاء الله اخونا عيسى جاء بفائده جاء في فائده عظمى جزاه الله خيرا دونك عيسى الى ايفوكي ك العقيده المنهج سي سون ايفوكي دونز ان ميم اندرو يعني ça a chacun a un sens. Chacun il a son sens à part. Et s'ils sont évoqués chacun d'un côté, et ben chacun des deux il équivaut à l'autre. Par exemple, si on dit le minhaj sans évoquer l'aqida, l'aqida داخل في المنهج وvice versa. مفهوم؟ نعم. هذا على قول من فرق بينهما. Parce que ça, c'est sur la parole de ceux qui ont dit qu'il y avait une différence. Naam. Fa al-mas'ala alladhi yurid an yaktub. Tayyib. Ikhtalafa al-ulama fi dhalika. Donc, la mas'ala, c'est est-ce qu'il y a une farq entre l'aqida et le minhaj? Ikhtalafa fi dhalika al-ulama. Donc, les savants ont divergé sur ce point. Fa ba'dhum qalu la farq baynahuma. Donc certains, ils ont dit qu'il n'y avait pas de différence entre les deux, comme a dit notre frère Abu Hind. Non, il n'y a pas de différence entre eux, entre les deux. Et ça, c'est l'avis de qui? De quel alim? Taban, c'est un khilaf de notre époque. Vous n'allez pas trouver, fima alim, de ce que je sais, vous n'allez pas trouver des paroles de s'élève sur le farq entre la aqida et le minhaj. Lakin, hadi, c'est des khilafs qui ont lieu dans notre époque, avec les ulama de notre époque. Donc ça, c'est la parole de l'imam Ibn Baz. L'imam Ibn Baz, il voit qu'il n'y a pas de différence entre la aqida ou le minhaj. Et c'est aussi la parole de Cheikhouna Yahya, Hafidhahullah. Et c'est aussi la parole de Cheikh Yahya, Hafidhahullah. طيب. وقال الآخرون هناك فرق بين هذا وذاك. Et une autre partie des ulama, ils ont dit qu'il y a bel et bien une différence entre l'aqida et le minhaj. Et c'est la parole de l'imam al-Albani, وكذلك الإمام مقبل ابن هادي الوادعي وكذلك العلامة الفوزان. نعم. C'est quoi la parole de que choisit l'imam al-Fawzan et Abdelmalik? يعني أنت بين أمرين. Soit il est de ceux qui disent qu'il n'y a pas de farq entre les deux. Ou soit il est de ceux qui disent qu'il y a un farq entre l'aqid et le minhaj. On vient de dire que Cheikh Fawzan, il est de ceux qui disent qu'il y a un farq entre l'aqid et le minhaj. Cheikh Fawzan, Cheikh Muqbil, Cheikh Al-Albani, ou kadhalika Cheikh Rabi'. Hawla al-ulama yarawna anna hunak farq bayna al-aqid et le minhaj. Naam. ففي الحقيقة المنهج يشمل العقيدة. Donc ça c'est la vie le plus authentique, والله أعلم, c'est qu'il y a bel et bien un farq entre la aqida et le minhaj. Et si vous regardez le ta'rif qu'on a vu avec Cheikh Al-Uthaymeen, il t'a dit quoi? Il t'a dit la aqida c'est quoi? الحكم الذهن. حكم الذهن. C'est tout ce qui est en relation avec la conviction intérieure. Tout ce qui est en relation avec la conviction intérieure. فالمنهج أشمل من هذا. Ça rentre dans le minhaj et le minhaj c'est plus vaste que ça encore. نعم. فالمنهج يشمل العقيدة والعبادات. Donc le minhaj ça englobe la عقيدة ainsi que les adorations ainsi que كيفية تلقي العلوم الشرعية وكيفية الردود على المبطلين. Et ça englobe aussi comment ou l'explication, comment tu recherches la science. كل هذا في أمور المنهجية. نعم. Ou comment tu fais des réfutations aux gens du باطل. كل هذا داخل في المنهج. نعم. Et comment aussi tu confrontes أهل البدع والأهواء. Tout ça, ça fait partie du منهج. نعم. فالمنهج شامل فهو أشمل من العقيدة. Tout comme le tawhid. Le tawhid, ça rentre dans la aqida. Le tawhid, ça rentre dans la aqida. La aqida, c'est quoi en vérité? C'est basé sur le hadith de Jibril. ما الإيمان قال أن تؤمن بالله. الإيمان بالله هو هذا هو التوحيد. فالتوحيد يدخل في العقيدة. والعقيدة تدخل في ماذا؟ في المنهج. والمنهج أوسع. Le fait que tu prennes soin de apprendre la science dans les mosquées maintenant. Tu peux apprendre dans des maisons, tu peux apprendre dans une université ou quoi. Lakin le fait que tu prennes soin de prendre la science dans les mosquées, هذا من المنهج ولا من العقيدة؟ من المنهج. فهناك فرق. كذلك le fait que tu t'accordes et tu fais un effort de toujours parler la langue arabe. هذا من المنهج ولا من العقيدة؟ من المنهج. عرفتم؟ فالمنهج أشمل. المنهج أشمل من العقيدة. نعم. طيب. Il y a encore un point là. Si on dit qu'il y a une farq entre le minhaj et l'aqida, est-ce que la personne elle peut être de aqida salafia ou minhaj ikhwani ou soufi? Soufi le minhaj ou l'aqida salafia? Est-ce que la personne elle peut avoir une aqida, une croyance authentique, pure, celle de, comme la croyance des salafs, et avoir un minhaj erroné? C'est possible ça? Non. C'est pas possible? Non. C'est possible? Qu'est-ce? طيب لكن الآن إذا هو يعبد الله على ما نحن نعبده ويعتقد ما نعتقد في الله عز وجل ما سينحرف عرفت في المناج ما سينحرف لأن هذا الأمر الأمرين متلازمان c'est en fait la personne elle peut pas être dans un cheminement c'est-à-dire un minhaj erroné et dans une aqida salima, dans une croyance qui est préservée. Ce n'est pas possible en vérité. Parce que la perversion qu'il va y avoir dans la aqida, elle va déteindre sur le minhaj. Et la perversion qu'il va y avoir dans le minhaj, ça va déteindre sur la aqida de la personne. À la sabil al-mithal, kam min ulama kanu sabitin. Yani, combien de ulama ils étaient fermes dans les masa'il minhajiyya, wa aqidiyya, wa aqadiyya. Dans les points relatifs à l'aqida au minhaj. Il y en a beaucoup qui étaient fermes. Mais dès qu'ils ont commencé à avoir des penchants yani, qui contredisent la voie, le minhaj des salafs, sara fi aqidatihim khalal. Ça leur a valu d'avoir des répercussions dans leur aqida. À la sabil al-mithal, al-an, ba'd al-ulama ou ba'd man. Certains ulama ou certaines personnes qu'on attribuait parmi les gens de science, قبل أيام كانوا يرون يعني الشيعة الرافضة يعني كفار. ما أدري إيش حصل وإذا بهم يرونهم يعني من إخواننا. Donc certains parmi les ulama avant ou parmi ceux qu'on attribuait parmi les gens de science, ils avaient l'habitude d'évoquer que les rafidah parmi les chiites, ils ne font pas partie de l'islam. Et ces mêmes savants, une fois qu'ils ont commencé à dévier dans leur cheminement dans le minhaj, tu les vois plus tard venir dire que les rafidah, ce sont nos frères. Ou ce sont, yani, et ils sont mazalou min mada min ikhwanina fi l'islam. Ou hadi l'ashia, yani. Comme je vous ai expliqué, ça montre la relation qu'il y a entre la aqida et le minhaj. Si l'un d'entre ces deux se pervertit, il pervertira l'autre automatiquement. Donc il n'est pas possible de voir une personne prétendre qu'elle a yani, une aqida salima et un minhaj alladhi fiha khalal. Na'am. Et cette parole-là, le fait de dire que ma aqida elle est salima et que mon minhaj il est ikhwani ou quoi, ça c'est ce avec quoi sont venus les gens de l'égarement. Ils sont venus, ils ont dit il est permis à la personne d'avoir une aqida sunni à salafia et d'avoir un cheminement ikhwani. Et ça, comme on vient de le voir, c'est batil. Naam, hada batil. Et il se peut que les gens qui ont dit que il n'y a pas de farq entre l'aqida et le minhaj, ils ont voulu réfuter cette parole-là venant des mubtadi'a. Mais sinon, fil haqiqa, il y a bel et bien une farq entre l'aqida et le minhaj. Na'am. Na'am. Na'am. Fahadihi fawaid yassira hawl kalimat l'aqida. وإن شاء الله غدا ندخل في الباب باب عناية المرأة المسلمة بالعقيدة الصحيحة. Inch'Allah, donc ça c'est quelques fawaïd sur le mot Al-Aqidah. Et Inch'Allah, demain on rentrera dans le premier chapitre du livre qui dit l'intention portée à la femme musulmane ou l'intention que porte la femme musulmane pour la Aqidah sahiha, pour la croyance authentique. Naam. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك